Chapitre 4. Pierrepont était arrivé au genêt un lundi. Dans l'après-midi du dimanche suivant, il faut s'accompagner aux hôtes du château, qui étaient partis après le déjeuner pour la promenade et pour la pêche, et se rendit lui-même à la gare la plus voisine pour y attendre Fabrice et le présenter à sa tante. Ils trouvèrent Madame de Montauran tricotant dans un immense salon à boiseries blanches, en tête à tête, avec quelques portraits de famille et avec Mademoiselle de Sardone qui lui lisait un journal. Le peintre n'eut pas besoin d'y regarder à deux fois pour se dire que, s'il avait le choix, ce n'était pas le portrait de la baronne qu'il aurait fait. Il n'avait pas cependant beaucoup à se louer de l'accueil de la jeune fille qui, sans se lever, lui jeta un regard ennuyé et presque dur et continua tout bas la lecture de son journal pendant que Fabrice échangeait quelques phrases avec la maîtresse du château. « Très heureuse, monsieur, de faire votre connaissance, » dit la baronne avec sa bonne grâce la plus choisie, « et très fière d'avoir mon portrait de votre main. Ce n'est pas un grand régal de portraiturer une vieille femme comme moi, madame. Mais vous peignez aussi le paysage. Il y en a de fort jolis dans nos environs. Ce sera pour vous une consolation. Madame la baronne, je n'en aurai nul besoin. Est-ce que vous permettez à vos modèles de parler pendant les séances? Ça ne vous dérange pas? Pas du tout, madame, au contraire. Cela nous donne la physionomie plus exacte. Ah, tant mieux, car je suis très bavarde de mon naturel, n'est-ce pas, Béatrice? Je ne m'en plains pas, madame, dit Béatrice en souriant faiblement. Vous voyez, monsieur, elle ne s'en plaint pas, mais elle en convient. Un bruit de chevaux, accompagné d'un tumulte de voix et de rires, annonça le retour de la cavalcade qui rentrait pêle-mêle dans la cour avec la bande des pêcheurs. Trois ou quatre jeunes femmes descendirent de cheval et, soutenant d'une main la traîne de leur robe qu'on avait le bon goût de porter très longue dans ce temps-là, escaladèrent les marches du perron et vinrent présenter leur front à la baronne. D'autres, en légère et courte toilette du matin, se précipitèrent à leur suite en agitant d'un air de triomphe de petits filets de pêche qui répandirent dans le salon une forte odeur de poisson et de fange. « Ah Dieu, quelle horreur !» s'écria la baronne. « Béatrice, vite, mon flacon !»« Et puis, ma chère petite, débarrassez ces demoiselles de leurs filets et portez-les à la cuisine !»« Pardon, ma tante, » dit le marquis de Pierrepont, en s'emparant un peu vivement des filets. « J'y vais moi-même. » Fabrice, grand observateur, par instinct et par métier, remarqua en ce moment que la lectrice pâlissait légèrement et que, par un effet contraire, une teinte rosée envahissait brusquement les pommettes de la baronne. Comme Pierre, après avoir déposé les filets à l'office, le conduisait à l'appartement qui lui était réservé. « Quelle est donc, lui dit Fabrice, cette jeune fille qui lisait le journal à votre tante ?»« Une parente, Mademoiselle de Sardone, une fille pauvre que ma tante a recueillie. Vous ne m'en avez jamais parlé ?»« Non, vraiment, c'est possible. C'est que ça ne s'est pas rencontré. Comment la trouvez-vous ? Intéressante. » »« Oui, n'est-ce pas ? Elle est intéressante, pauvre fille. Voilà votre petite installation, mon cher. » Il l'introduisit dans un appartement composé d'une chambre à coucher et d'un petit salon, dont Fabrice loua beaucoup le confort et l'agrément. Puis il le laissa s'habiller pour le dîner. Dans la soirée, le peintre, que Béatrice intéressait de plus en plus par sa mélancolique beauté et ses attitudes de reine captive, essaya d'interroger de nouveau Pierrepont sur les antécédents, la situation et le caractère de cette mystérieuse personne. Mais il n'insista pas, s'apercevant, aux brèves réponses du marquis, que ce sujet d'entretien lui était, sinon désagréable, du moins indifférent jusqu'à l'ennui. « Ne vous occupez donc pas de la lectrice de ma tante, » disait-il en riant à Fabrice. « Elle n'est nullement en question. Si vous voulez être gentil pour moi, occupez-vous de ces demoiselles. Je vais vous présenter. Étudiez-les à loisir, et vous me ferez part de vos appréciations. Sous tous les rapports, j'ai grande confiance dans votre goût et dans votre pénétration. Vous m'aiderez peut-être à déterminer un choix auquel il faut bien que je me décide, si je ne veux pas me brouiller avec ma tante. Vous voyez qu'elle a convoqué toute la France et les deux Amériques. Il ne faut pas qu'elle en soit pour ses frais. Tâchez donc de lire dans les yeux et dans les cœurs de tous ces jeunes sphinx. Si un peintre n'était pas physionomiste, qui diable le serait ? « Mon cher ami, répondit Fabrice, vous ne sauriez vous adresser plus mal. Je ne sais pas si tous mes confrères me ressemblent à cet égard, mais pour mon compte, je suis un détestable physionomiste, et je suis persuadé que presque toutes mes impressions en fait de diagnostic psychologique sont fausses. Je ne sais pas du tout ce qui se passe en réalité dans l'âme de l'homme ou de la femme dont je fais le portrait. Je leur prête vraisemblablement une foule de pensées, de passions, de vertus ou de vices auxquels ils sont tout à fait étrangers. Voyez ce qui se passe pour nos modèles d'atelier. Des chanteuses de café-concert nous donnent des têtes de vierge. Des gamines qui n'ont pas deux idées dans le cerveau, des têtes de muses. Des ivrognes de barrière, des figures de saints et d'apôtres. C'est que toutes les physionomies sont pour nous subjectives. Nous y voyons ce que nous y mettons, ce qu'elles nous inspirent. Les artistes, comme les poètes, je suppose, sont des naïfs et des dupes, et ils doivent l'être. Ils sont les plus mauvais juges qu'on puisse trouver des rapports du physique avec le moral, car ils ne peignent pas ce qu'ils voient, mais ce qu'ils imaginent d'après ce qu'ils voient. Ils ne peignent pas la nature, ils peignent d'après nature, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais alors, dit Pierrepont, ils ne font pas ressemblant. Pardon, voilà ce qu'il y a de curieux, ils font ressemblant. Ils font même plus que ressemblant, parce qu'en reproduisant fidèlement les lignes matérielles d'un visage, ils en transfigurent l'expression. C'est qu'il n'y a pas un visage humain qui n'ait sa note poétique, sa paillette lumineuse pour qui sait la dégager. Mais ne cherchez pas cette note ou cette paillette, dans l'âme du modèle, elle n'y est pas. Ou du moins, on n'en sait rien. Elle est dans l'œil du peintre. Comme tous les mérites et toutes les grâces d'une maîtresse sont le plus souvent dans l'œil d'un amoureux. Ainsi, cher ami, ne comptez pas sur mes lumières pour vous guider dans vos délicates opérations. Je craindrais véritablement de vous égarer. Du reste, je ne demande pas mieux que d'être présenté à ces demoiselles, quoiqu'elles me fassent une terrible peur. Seulement, je vous prierai de remettre la cérémonie à demain. Je me sens légèrement fatigué ce soir. Je suppose que j'ai un peu abusé de l'excellente cave de madame votre tante. Et c'est ce qui vous explique la prolixité dont je viens de vous affliger, et qui, vous le savez, ne m'est pas habituelle. Je n'aime pas à bavarder sur mon art. Vous connaissez ma devise. Que je voudrais avoir affiché à la porte de tous les ateliers. Travaille et tais-toi. Sur ces paroles, Fabrice se retira discrètement au moment où les danses commençaient. Sa réputation croissante l'avait mêlé fréquemment depuis plusieurs années au mouvement du monde et des salons parisiens. Mais, comme la plupart des hommes qui sont nés hors de ce milieu et qui ont été transplantés un peu tard, il y sentait toujours un peu de gêne et d'inquiétude et ne s'y plaisait que médiocrement. Le lendemain, dès les premières heures de la matinée, madame de Montauron fit prier le marquis de Pierrepont de passer chez elle. Quand il entra dans sa chambre, elle achevait son premier déjeuner. « Pas souffrante, ma tante, j'espère, » dit-il en baisant la main qu'elle lui tendait. « Non. » « Je t'ai fait demander ce matin parce que nous ne sommes jamais seuls dans la journée, et je désire causer un peu avec toi. Assieds-toi donc. Et d'abord, je suis très contente de ton grand homme, un peu gauche, un peu timide, mais c'est un charme chez les gens de talent. Maintenant, parlons de choses sérieuses. Où en sommes-nous? Que penses-tu de mes jeunes filles? Mon Dieu, ma tante, j'en suis encore dans la période d'observation. » Toute cette pléiade de jolies personnes me cause un certain éblouissement, vous comprenez. Soit, je ne te demande pas de te prononcer immédiatement, mais enfin, depuis 8 jours que tu vis dans leur intimité, tu dois avoir déjà quelques impressions, quelques préférences. Ma tante, 8 jours, franchement, c'est un peu court pour les connaître à fond. Et combien de temps te faudrait-il, suivant toi, pour les connaître à fond? Mais quelques semaines, je suppose. « Quelques semaines !» s'écria la baronne. « Ah, mon pauvre garçon, mais il te faudrait 100 ans, et tu ne serais pas plus avancé. Une jeune fille, mon cher, est tout ce qu'il y a de plus impénétrable au monde. Le bon Dieu seul peut savoir ce qu'elle deviendra une fois mariée, et encore. Cependant, ma tante, je sais ce que tu vas dire, et je te réponds d'avance qu'en pareille affaire, il n'y a que 3 choses dont on puisse être à peu près certain, savoir la famille, la dot et la figure. » Pour le reste, il faut s'en remettre bravement à la Providence, attendu qu'il n'est pas encore d'usage de prendre les femmes à l'essai comme les chevaux, quoiqu'on annonce une loi sur le divorce, ce qui serait un acheminement. Mais voyons, pour sortir des généralités, il me semble que si j'avais été homme, j'aurais aimé follement, mademoiselle d'Albarez. Est-ce qu'elle ne te dit rien, mademoiselle d'Albarez ? Elle me dit trop, ma tante. Elle a la prunelle un peu trop incandescente pour mon goût. Sauf votre respect, c'est Vénus tout entière, etc. Bah, qu'est-ce que tu en sais ? Il n'y a rien de trompeur comme ces yeux-là. Tu devrais le savoir à ton âge. Les bleus sont souvent les pires. Et cette adorable petite américaine, Miss Nicholson, une figure d'ange avec 3 millions de dots et des espérances proportionnées. Elle est très bien, ma tante. Seulement elle marche comme un garçon. Et puis, ne trouvez-vous pas qu'elle et son père ont comme une vague odeur de pétrole ? Quelle bêtise ! Enfin, nous la réservons, Miss Nicholson. Et cette autre délicieuse blonde, mademoiselle l'abeille ? Très bien aussi, ma tante. Seulement, son père vend du vin, c'est ennuyeux. Oui, mais il en vend beaucoup. Et que dis-tu de mademoiselle d'Origné ? Une pure beauté, si distinguée. Très distinguée, ma tante. Glaciale, par exemple. Ah bon, glaciale, maintenant. Tout à l'heure, c'était Vénus qui l'effrayait. À présent, c'est le contraire. Mais alors, mon cher enfant, tu as peur de tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avouerez, ma chère tante, qu'elle a l'air d'un glaçon, mademoiselle d'Origné. C'est toi qui as l'air d'un glaçon. Je finirai par croire véritablement que c'est un parti pris, un refus de concours. Mais, ma bonne tante, vous me demandez mes impressions, je vous les donne loyalement. Oui, mais tu trouves des objections à tout et des objections puériles les 3/4 du temps. C'est pour vous amuser un peu, ma tante. Mais ça ne m'amuse pas du tout, justement. Voyons. Et mademoiselle Chalvin ? Un peu en l'air, peut-être, mais si élégante, si charmante. Et si bien élevée, ma tante. J'entendais hier sa mère dire d'elle en minaudant « Ma fille a un excellent caractère. Seulement nous ne la contrarions jamais, son père et moi. C'est un petit cheval échappé. Quand on la contrarie, elle rue. » « La mère est une oie, » dit la baronne. « Mais ce n'est pas la mère que tu épouserais. » Enfin, j'arrive à la maîtresse perle de mon écrin, mademoiselle de la Treillade. Celle-là, je te défends d'y toucher. « Certainement, ma tante. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux dans la collection. » « Un visage de madone, » reprit la baronne, « et avec cela, spirituelle, instruite, modeste. Son institutrice même est un type exemplaire, une vraie perfection. Applique-toi particulièrement à étudier celle-là, mon enfant, si tu veux m'en croire. Je vous le promets, ma tante. Et maintenant, mon ami, laisse-moi un peu, j'ai à écrire. Envoie-moi Béatrice. » Pierre lui baisa de nouveau la main et sortira. Il chargea une femme de chambre qu'il rencontra dans l'escalier de prévenir mademoiselle Béatrice que madame de Montauron serait bien aise de la voir, et descendant quelques marches, il alla frapper à la porte de l'appartement de Fabrice. C'était un rez-de-chaussée, ou plutôt une sorte d'entresol qui s'ouvrait sur les anciens fossés transformés en parterre. Le peintre, qui devait commencer dans l'après-midi le portrait de la baronne, était occupé à préparer sa palette. Après s'être assuré obligeamment que rien ne manquait au bien-être de son hôte et ami, Pierrepont lui donnait quelques détails historiques et archéologiques sur le château des Genêts, quand il s'interrompit brusquement en entendant des voix et des rires de femmes sous les fenêtres de l'appartement. Il s'approcha vivement de la fenêtre du petit salon, qui était ménagé dans une tourelle d'angle et d'où l'œil dominait le fossé. Les persiennes avaient été fermées par précaution contre le soleil d'une chaude matinée d'août, mais à travers les lames inférieures, dont la disposition était presque horizontale, Pierre put jeter un regard au dehors. Se retournant aussitôt vers Fabrice, il lui fit signe de garder le silence et lui dit en souriant et en contenant sa voix « Je n'ai pas l'habitude d'écouter aux portes ni aux fenêtres, mais ici vraiment la tentation est trop forte. Je vous dirai pourquoi. Ce que c'est que le mauvais exemple ?» répondit Fabrice du même ton, et il s'approcha à son tour de la fenêtre. Il put apercevoir alors les deux jeunes femmes dont on entendait les voix. Elles étaient descendues apparemment pour fuir le soleil dans un des petits jardins en sous-sol et se promenaient en se donnant le bras dans l'ombre des talus gazonnés et semés de rosiers. Elles allaient et venaient sous les fenêtres aux persiennes closes, et leurs paroles arrivaient distinctement aux oreilles des deux amies. L'une d'elles, qui était brune, pâle et d'un visage angélique, disait à sa compagne « Comme on est bien ici pour potiner, n'est-ce pas, chère ?»« Oui, » répondit l'autre, qui était presque rousse, mais agréable, et qui avait un léger accent anglais. « C'est délicieux. On voit venir les indiscrets. Continuez, chère, cela m'intéresse tant. » « Donc, » reprit la première, « cette Georgina Bacco des Folies Lyriques a des bontés pour mon frère, qui en a également pour elle et qui va souvent dans les coulisses du théâtre. Il s'y rencontre avec la bonne mère de Georgina, qui a été elle-même actrice autrefois, et mon frère nous contait l'autre jour, à maman et à moi, qu'il s'était trouvé la veille sur la scène pendant un entracte avec la mère de Georgina. Elle regardait par le trou du rideau. Puis tout à coup, elle se retourna vers mon frère et lui dit avec des larmes dans la voix « Il y a des choses qui flattent une femme. Croiriez-vous, monsieur, qu'il y a ce soir 4 de mes anciens amants dans la salle, et tous sénateurs ?»« Oh, Marianne !» dit la jolie rousse. « Mais l'histoire du coiffeur est encore plus drôle, » reprit Marianne. « Oh, dites, chère, l'histoire du coiffeur !» Après une pause d'hésitation. « Non, ma chère Eva, » dit Marianne en riant. « Celle-là est vraiment trop forte pour vous. Je vous en prie, chère. »« Eh bien, ce coiffeur, ma chère... »« Mais non, décidément, ça ne passe pas. »« Ce sera pour un soir où nous aurons pris un peu trop de champagne. » Elle cueillit une rose en passant et la piqua dans son corsage, puis elle reprit. « Et ce peintre qui nous est arrivé hier, comment le trouvez-vous, Eva ?»« Il a de beaux yeux et quelque chose de génial dans la physionomie, » répondit Eva. « Manque de chic, » dit Marianne en faisant l'amour. « Parlez-moi de l'ami Pierre. En voilà un qu'on aimerait rencontrer le soir au coin d'un bois. » « La rencontre ne serait pas sans danger, » objecta Eva. « Où il n'y a pas de danger, il n'y a pas de plaisir, » répliqua Marianne. « Je ne plains pas, par parenthèse, ma cousine Desmarais qui lui a, dit-on, donné son cœur, etc., pantoufle. Je ne sais pas si c'est vrai. » Mais je sais qu'il se voit très souvent, pour ceci, pour cela, ou pour autre chose. Elle n'est pas très heureuse avec son mari, la pauvre vicomtesse, n'est-ce pas, chère? Quelle est la femme qui est heureuse avec son mari, ma bonne Eva? Voyez le joli ménage des Lobécourt que nous avons ici, présentement. C'est vrai. J'ai remarqué qu'il se faisait grise mine du matin au soir. Et il paraît que du soir au matin, c'est encore pire, ma chère. Comment cela? Demanda Eva. Mais, ma chère, répondit Marianne. Vous ne connaissez donc pas la cause de leur mésintelligence? Monsieur de Lobécourt aurait la passion des enfants, et Madame de Lobécourt en a l'horreur. Elle a parfaitement raison, suivant moi. Oh, pourquoi, chère? D'abord, parce qu'il n'y a rien de gênant et d'encombrant comme ces polichinelles-là pour une femme qui aime le monde. Ce sont de vrais empêcheurs de danser en rond. Ensuite, parce que quand on est joli, on tient à le rester le plus longtemps possible, et les enfants, vous savez, sont des ruines de beauté. Comment cela, Marianne? Mais il me semble... Ici, Marianne baissa la voix pour lui répondre, et elle parut expliquer quelque grave mystère à son ami qui rougit légèrement. Ainsi, reprit celle-ci après un peu de méditation, voilà pourquoi monsieur de Lobécourt a l'air si triste. S'il n'était que triste, ma chère, mais presque tous les soirs, dans leur chambre, il fait à sa femme des scènes terribles. Dame, franchement... Et qu'est-ce que sa femme peut lui répondre? Elle lui répond, zut, dit Marianne. Elles se mirent à rire follement toutes deux, et comme la cloche sonnait le déjeuner, elles s'éloignèrent pour regagner le petit escalier pratiqué dans le talus. Avant même qu'elles eussent disparu, Fabrice, qui avait échangé quelques regards d'édification avec Pierrepont pendant le cours de ce dialogue, lui demanda avec sa manière calme, quelle est cette jeune dame si gaillarde, cette Marianne? « Mon cher, dit Pierrepont, ce n'est pas une dame, c'est une demoiselle. »« Matin, dit brièvement le peintre, et l'autre, Eva, c'est son institutrice. »« Matin, répéta Fabrice avec force, et il se remit tranquillement à préparer sa palette. « Et comme vous allez forcément faire la connaissance de ces demoiselles dans la journée, il est inutile de vous cacher que cette Marianne si bien apprise s'appelle Mademoiselle de la Treillade. » J'ajoute que ma tante me la recommandait ce matin même comme un modèle de toutes les vertus. Il est vrai que ma tante ajoutait qu'elle était très instruite, en quoi elle ne se trompait pas. Quand je pense que j'aurais pu arrêter mon choix sur elle pour en finir, j'en ai froid dans les os. Vous comprenez maintenant que j'ai mis toute délicatesse de côté quand cette chance de me renseigner sur les principes de Mademoiselle Marianne m'était offerte par le hasard. Je ne m'en repens certes pas. Allons déjeuner,